Shibuya, Shibuya, Shibuya. T'as tous les quartiers, c'est Shibuya, Shibuya, Shibuya, Shibuya. Ah ouais, les gars, c'est Shibuya. On est à tous ensemble pour faire la fiesta. Tous les hommes sur la scène veulent faire les gangsta. Ça fait mal, ça descend, ça vient de Wenka. Toutes les meufs se déchaînent, car elles aiment ça. Oh oh oh. On est à pour mettre de la vibes. Oh oh oh. Oh oh oh, c'est si nice. Oh oh oh, les ados. Grosse dédicace pour tous les ados. Mon son est tellement strong que ça résonne. Ma musique est tellement bonne que c'est le number one. Les gars et les bruits apprécient. Franchement ça fait zizi. Chou chou chou chou bouillon. Chou chou chou chou bouillon. Chou chou chou chou bouillon. Dans tous les quartiers c'est chou bouillon. Chou chou chou chou bouillon. Ah ouais, gars, c'est chaud bouillant. Ça, c'est la fête, des chicas en l'air. Faut bouger les fesses, il nous faut du hip-hop. C'est du bon, c'est du son, c'est du méga. Oh, oh, oh, oh, chaud bouillant. Pas de thème pour les kids, je respecte la musique. Faites pas un africain de la vie. Vas-y, bouge, bouge, bouge. Kiffe ma musique, sans aucune doute, doute. À toi, Sinas. Écoute ça, écoute ça. Tu peux pas faire mieux que ça, que ça. Tu veux tester ça, sinon il chasse ça. Et où la mère sa fille. De retour passe moi le mec. Chaud, chaud, un chaud bouillard. Ça y est, on fait du pur ça. Rappé, rappé, tu kiffes pas. Quand il explose dans les bacs, c'est pas tardé. T'inquiète pas, je donne, je redonnerai encore. Encore dédicace à mes potes. Et qu'est-ce que t'en dis ça, sinon hein. Et moi, c'est du lourd, c'est du son, c'est du hardcore. C'est le jour de mission, on est hardcore. On frappe fort et on assure la place comme d'habitude. Come on, baby girl. Come on, n'aie pas peur. Entre, entre, fais-toi plaisir. Lâche-toi sur cette musique. On est là pour te faire vibrer, pour te faire kiffer, pour te faire danser. Si tu n'as, c'est pas pour rien. Crois au destin, mal et décès. Chou, chou, chou, chou, bouillon. Chou, chou, chou, chou, bouillon. Chou, chou, chou, chou, bouillon. Dans tous les quartiers, c'est chou. Chou, chou, chou, chou bouillon. Chou, chou, chou, chou bouillon. Chou, chou, chou, chou bouillon. Ah ouais, gars, c'est chou bouillon. Unu wenka, miski yatu inashime. Tengede ya wiringe. Laisse-toi aller dans le mouvement. Dikisata ushangite. Tasiria wanore masama. Uzama tata la zelvuni. Bara miski yatu yene meni. Chou, chou, chou, chou bouillon. Chou, chou, chou, chou bouillon. Chou, chou, chou, chou bouillon. Dans tous les quartiers c'est chou bouillon. Chou, chou, chou, chou bouillon. Chou, chou, chou, chou bouillon. Chou, chou, chou, chou bouillon. Ah ouais, gars, c'est chou bouillon. Oh my god, c'est bien.